J'compte pas percer, j'compte faire du son pour le peuple. L 93, les Narvalo et les blédards sans papelard, j'm'en bats les reins. J'suis pas là pour les lover, mais pour te faire saliver, te montrer la technique du sale enfant de la rue, comme c'est hilarant de voir un mec se dévorer dans le rap sans même vouloir entrer dans le rang. C'est eux, NZA, c'est mon blaze. Crois pas que j'irai taper le top 50, pour eux trop je blesse. Je ne crois pas que tu verras une ghost stringée dans mon clip, mais un chat argent du violon pour un paquet de clopes. J'distribue mes rimes en paquet de claques, t'inquiète pas, là se recroit pas qui blague. Me coûte pas si t'écoutes du son de schlag dans ma gueule. Tu me verras pas faire la pop star parce que le rap, je veux le démonter comme un booster. Flan sensé à la holder, petit bastard. J'pose mes mots et basta. Mon rap, je le veux saignant comme une bonne baston. J'compte pas sur le piston. Baisse ton froc si tu veux du bifton. Être avec des baftingues pour avoir un paftard. Mais moi, dans la musique, j'ai trop de principes. Mon rap incite à écraser ces bâtards parasites. On m'a souvent demandé pourquoi je rappais. J'ai pas de réponse à ça. Moi, c'est Senzak, les vrais qui s'en rappellent. Mettant-moi le chèque, je l'attrape avec les dents. Pour l'instant, reste baladé. Mon flow résonne du cimetière jusqu'à. J'compte juste expliquer comment je crois connaître la rime compliquée. Dupliquer mon style, faudrait être plus qu'impliqué, faudrait s'appliquer. J'compte pas sur la rime oblique pour mettre de l'or sur mon style oblique. J'ai peut-être pas la montre qui vaut des milliards, mais sache que mon texte n'a qu'un prix que pour les trimards. Ça sent la censure à plein nez, faire planer mon but car le rap est en train de canner. Ils arrêtent pas de dire, faut que tu tentes ta chance. Caster 6, c'est soit t'es connu, soit tu rappes dans ta chambre. Mais moi, tu me connais pas. Et si je ramène des gars, donne-moi une scène, j'y fous trêve là le dégât. À t'égarer toute une assemblée, à force de faire la même merde, ils ont fini par tous se ressembler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça? Je rappe pour que t'apprécies et pour que tu sautes comme sur du Cypress Hill. Un sacré phénomène que tu vois là, à force de te dévoiler, de prendre la grosse tête, tu risques de t'envoler. Ça me fait rire de voir des petites tarlouses attendre d'avoir milliards pour faire des clips avec des putes sur des billards. Et tous ceux qui se prennent pour des blédards, mais qui le sont encore moins qu'un peinard avec une bouteille de pinard. Tu donnerais ton cul à la télé pour être le winner, mais ton rap n'a pas plus de valeur qu'un dinar. Les gens m'écoutent pas parce que je suis pas connu, alors je douille. Mais si je viens à percer, les mêmes personnes viendront me lécher les couilles. Un monde de pute dans lequel je ne veux pas rentrer. Je veux juste prendre mes sous et me casser sans me faire éventrer. J'incite au clash et au cassage de bouche. C'est pas pour les pourris qui se font tailler à la Jamel Debbouze. Je dédie ce morceau à tous ceux qui m'ont dit t'as le mort, et à tous ceux qui savent que j'ai la technique de l'ours fort.